يقول: ما حكم زيارة الكفار وقبول هداياهم والقيام لجنائزهم وتهنئتهم في المناسب المناسبات؟ Il a dit, maintenant c'est quoi le jugement de rendre visite aux koufars, d'accepter leurs cadeaux et de suivre leur convoi funéraire et de les faciliter lors des occasions. يقول زيارة الكفار من أجل دعوته من الإسلام لا بأس بها. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو يختدر ودعاه إلى الإسلام. Il a dit, le fait de leur rendre visite pour les appeler à l'islam, cela est permis, il n'y a pas de mal. Le Nabi Salam l'a déjà fait. Il est parti voir son oncle, Abu Talib, qui était sur le point de mourir, pour l'appeler à l'islam. D'accord ? Wazara al-Yahudi wa da'a ila l'islam. Il avait ce jeune garçon Yahudi qui était malade, il est parti le voir, le Nabi Salam, il lui a dit, il a demandé de faire la shahada. Le jeune garçon l'a regardé son père, son père lui a dit, Ati Abu al-Qasim. Obéit à Abu al-Qasim, qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeune garçon a fait la shahada. Quand il kharaja an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Alhamdulillah, l'azi anqadhahu min an-nar. L'ange Allah qui l'a sauvé du feu. Il est mort musulman, ce petit jeune. Son père était musulman? Non, c'est un Yahoudi. Les Yahoudis savent. Ils savent. D'ailleurs, ce hadith a causé problème à des gens. Ils ont dit, mais comment? C'est un jeune garçon, il n'est pas mon calife. Tu vois, parce que dans le hadith, c'est un roulem. Ils disent les roulem, les rilman, les jeunes garçons ne sont pas moqués de la faune. Tu vois, donc pourquoi il dit qu'il a été sauvé du feu? Tu vois. Et roulem, en fait, ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui est pubère. 15-16 ans. Donc le fait qu'il soit un roulem ne veut pas dire qu'il n'ait pas dépassé la puberté, tu vois. Donc, et ce qu'il n'y a pas du hadith, ce qu'il n'y a pas justement du hadith, non, c'est qu'il était pubère. Sans quoi? Elle aurait été, dans la vie authentique, celui qui meurt avant la puberté, il est parmi les gens de Jannah. Après, il y a un khilaf, un hadith qui dit autre chose, et ce hadith-là, ou ce hukm-là, il paraît comme étant le plus fort. Wallahu ta'ala alam. قال أما زيارة الكافر للانبساط له والأنس به فإنه لا يجوز لأن الواجب بعضهم وحجرهم. Maintenant, le fait d'aller rendre visite au kafir pour plaisir, d'accord, pour se sentir bien, pour se lier d'amitié avec lui, ça n'est pas permis. Car à la base, on va le détester et le boycotter. « وَيَجُوزُ قَبُولَ هَدَايَاهُ لِنَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ سَلَمْ قَبِلَ هَدَايَا بَعْدِ الْكُفَّارِ مِثْلْ هَدَايَةَ الْمَكُوكُسُ وَمَكُوكِسُ. » Et également, il a pris des cadeaux des Yahouds. Il a eu des cadeaux de la part des Mouchriquins. « قَالَ وَلَا يَجُوزُ تَهْنِيَتُهُمْ بِمُنَاسَبَةَ أَعْيَادِهِمْ لأن ذلك موالاة لهم وإقرارا لباطلهم. Par contre, il n'est pas permis de les féliciter pour leur fête, Noël, jour de l'an ou autre, toutes les fêtes qu'ils ont faites, car cela amène à quoi? À approuver le faux. Et également, la question n'a pas répondu en ce qui est dessus leur genèse, leur convoi funéraire. On dit également, les ulama disent que c'est pas permis. Pourquoi? Dans leur genèse, il y aura du shirk, il y aura des munkarat, il y aura des rtilettes, il y aura des fois de la musique, donc tu ne suis pas. Et quant à Abu Talib, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali d'aller l'enterrer, c'est pas une janaza qu'il a faite, c'est pour mettre son corps dans un trou, car personne ne l'aurait fait apparemment. Donc il lui a ordonné de le faire. Par exemple, demain ton père il est là, il est mort, kafir, et personne ne l'enterre, faut que tu l'enterres. Alors c'est pas que tu fais une janaza avec lui. Alors si d'autres gens s'en occupent, ils sont enterrés ou incinérés ou je ne sais quoi, d'accord, et ils l'emmènent au cimetière, toi t'as pas à y aller. Et de Roulama dit, tu as ce moment derrière. Même ça, c'est quoi le fille innovant? Fille innovant. Car là, tu vas assister à une chose qui amène aux larmes. Tu ne l'accompagnes pas dans la malédiction, tu vois. Donc tu n'as pas à l'accompagner. Dans sa janaza.